que c'était la nuit de noces, que ça les regardait pas, qu'on resterait pas longtemps et qu'on reviendrait le lendemain matin pour la messe des parents défunts. On a foutu le camp par les buissons et on est venu juste tomber là à cette carrière où que nous venons de passer. Alors on s'est couché sur les cailloux. Et puis je l'ai embrassé, pardine. C'est tout? Tu y as pas mis ton doigt au... Penses-tu, mon vieux, pour me l'emplir de jus, c'est bien trop sale. Bah, y avait pas de danger. Et puis qu'est-ce qu'aurait pensé là ta vie? C'est vrai que c'est sale, les femmes. Et encore, c'est rien quand elles sont petites. Et quand viennent grandes, leurs pantés sont pleins de fourbis. Pouah! Fit Tintin. Tu vas me faire dégobiller. Filons, filons! Coupa le braque. Voilà 6h30 qui sonnent à la tour. On va se faire attraper. Et sur ces réflexions misogynes, ils regagnèrent leur pénate.